C'est le son des tours. C'est le son des blocs. C'est le son des mecs qui maîtrisent le brolique dans le bloc. Les coches ton glock. Et shoot dans le tas. Shoot du haut des tours. Shoot tel un vautour qui s'abat sur sa proie. Dès que je te vois, je te fous droit. Ouais gars, j'ai la foi, je suis un sniper dans le viseur. Et ouais, je te vois, t'es à 15 km. Mais t'inquiète pas, je vais te la mettre dans la tête. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, je prépare la baston. Appelle-moi Léon, jamais de la pression. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, jamais de la pression. Dans le quartier, on me connaît, mais on dit pas mon nom. Sinon attention, la bastos, elle est pas facile à esquiver. T'as intérêt de planquer, t'as intérêt de tailler. Même si tu cours, je t'aurai. Et ouais, je t'aurai, quoi que tu fasses. Ok, qu'efface, cache-toi même devant la glace. Vas-y, planque-toi, ça sert à rien mon gars, je te vois. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, je prépare la baston. Appelle-moi Léon, jamais de la pression. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, jamais de la pression. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, je prépare la baston. Appelle-moi Léon, jamais de la pression. Appelle-moi Léon quand je suis sur les bastions. Appelle-moi Léon, je maîtrise le fusil peuple. Appelle-moi Léon, jamais de la pression.